Le rassemblement commémoratif du 40e anniversaire de l'inspection par le président Kim Il-sung et du 10e anniversaire de l'inspection par le général Kim Jong-il de la province du Hamgyong du Sud a eu lieu au Grand Théâtre de Ramon en présence des cadres du parti, du pouvoir, des établissements économiques et des organisations des travailleurs de la province et d'autres citadins. Le président Kim Il-sung a inspecté la province en novembre de l'an 65 du Juche 1976 et le général Kim Jong-il en novembre de l'an 95 du Juche 2006. Soulignons que leurs inspections ont occasionné un tournant remarquable dans le travail du parti, le développement de l'économie, de la culture et de l'enseignement et l'amélioration de la vie de la population et encouragé la force d'esprit des cadres et travailleurs pour créer des prodiges et innovations. L'orateur a relaté des réalisations obtenues dans le passé.